Huitième chapitre. Les choses se compliquent. Belle Ombre, le lendemain de la représentation, tira Blasius à part et, desserrant les cordons d'une longue bourse de cuir, en fit couler dans sa main comme d'une corne d'abondance 100 belles pistoles qu'il rangea en pile à la grande admiration du pédant qui restait contemplatif devant ce trésor étalé, roulant des yeux pleins de lubricité métallique. Avec un geste superbe, Belle Ombre enleva les pistoles d'un seul coup et les plaqua dans la paume de son vieil ami. « Tu penses bien, dit-il, que je ne déploie pas cette monnaie pour irriter et titiller tes convoitises à la mode de Tantale. « Prends cet argent sans scrupule, je te le donne ou te le prête si tes fiertés se hérissent à l'idée de recevoir un régal d'un ancien camarade. L'argent est le nerf de la guerre, de l'amour et du théâtre. D'ailleurs, ces pièces, étant faites pour rouler vu qu'elles sont rondes, s'ennuient de rester couchées à plat dans l'ombre de cette escarcelle. » Ou à la longue, elle se couvrirait de barbe, rouille et fongosité. Ici, je ne dépense rien, vivant à la rustique et têtant à la mamelle de la terre, nourrice des humains. Donc cette somme ne me fera pas faute. Ne trouvant rien à répondre à cette rhétorique, Blasius empocha les pistoles et donna une cordiale accolade à Belle Ombre. L'œil verron du pédant brillait plus que de coutume entre ses paupières clignotantes. La lumière s'y baignait dans une larme, et les efforts que le vieil histrion faisait pour retenir cette perle de reconnaissance imprimaient à ses sourcils en broussaille les mouvements les plus comiques. Tantôt il remontait jusqu'au milieu du front parmi un reflux de rides plissées, tantôt il s'abaissait presque jusqu'à voiler le regard. Ses manœuvres n'empêchèrent cependant pas la larme de se détacher et de rouler le long d'un nez chauffé aux rouges cerises par les libations de la veille, sur la paroi duquel elle s'évapora. Décidément, le vent de mauvaise fortune qui soufflait sur la troupe avait changé. La recette de la représentation, jointe aux pistoles de Belle Ombre, formait un total assez rondelet, car aux victuailles se trouvaient mêlées une certaine quantité de monnaie, et le chariot de Thespis, si dénué naguère, était maintenant grassement avitaillé. Pour ne pas faire les choses à demi, le généreux Belle Ombre prêta aux comédiens deux robustes chevaux de labour, harnachés fort proprement, avec colliers peinturlurés et clarinés de grelots qui tintinabulaient le plus agréablement du monde au pas ferme et régulier de ces braves bêtes. Nos comédiens, réconfortés et gaillards, firent donc à Poitiers une entrée non pas si magnifique que celle d'Alexandre en Babylone, mais assez majestueuse encore. Le garçon qui devait ramener les chevaux se tenait à leur tête et modérait leur allure, car il hâtait le pas, subodorant de loin le chaud parfum de l'écurie. À travers les rues tortueuses de la ville, sur le pavé raboteux, les roues grondaient, les fers sonnaient, avec un bruit gai qui attira le monde aux fenêtres et devant la porte de l'auberge. Pour se faire ouvrir, le conducteur exécuta une joyeuse mousquetade de coups de fouet à laquelle les bêtes répondirent par de brusques frissons qui mirent en branle le carillon de leurs sonnettes. Cela ne ressemblait pas à la façon piteuse, misérable et furtive dont les comédiens abordaient naguère les plus maussades bouchons. Aussi l'hôtelier des armes de France comprit-il à ce triomphant vacarme que les nouveaux venus avaient de l'argent, et courut-il lui-même ouvrir à deux battants la porte charretière. L'hôtel des armes de France était la plus belle auberge de Poitiers et celle où s'arrêtaient volontiers les voyageurs bien nés et riches. La cour où pénétra le chariot avait fort bon air. Des bâtiments très propres l'entouraient, ornés sur les quatre façades d'un balcon couvert ou corridor en applique, et soutenus par des potences de fer, disposition commode, permettant d'accéder aux chambres dont les fenêtres prenaient jour à l'extérieur et facilitant le service des laquais. Au fond de la cour, une arcade s'ouvrait, donnant passage sur les communs, cuisines, écuries et hangars. Un air de prospérité régnait sur tout cela. Récemment crépi, les murailles égayaient l'œil. Le bois des rampes, les balustres des galeries n'avaient pas un grain de poussière. Les tuiles neuves dont les cannelures conservaient encore quelques minces filets de neige brillaient gaiement au soleil d'hiver avec leur teinte d'un rouge vif. Des cheminées montaient en spirale des fumées de bon augure. Au bas du perron, son bonnet à la main, se tenait l'aubergiste, gaillard de vaste corpulence, faisant l'éloge de sa cuisine par les trois plis de son menton et celui de son cellier par la belle teinte pourpre de sa face, qui semblait frotter de mûre comme le masque de Silène, ce bon ivrogne, précepteur de Bacchus. Un sourire qui allait de l'une à l'autre oreille ballonnait ses grasses joues et rapetissait ses yeux narquois dont l'angle externe disparaissait dans une patte d'oie de rides facétieuses. Il était si frais, si gras, si vermeil, si ragoûtant, si bien à point, qu'il donnait envie de le mettre à la broche et de le manger arrosé de son propre jus. Quand il vit le tyran qu'il connaissait de longue date et savait bonne paye, sa belle humeur redoubla, car les comédiens attirent du monde, et les jeunes gens de la ville se mettent en dépenses de collations, festins, soupers et autres régals pour traiter les actrices et gagner les bonnes grâces de ces coquettes par friandises, vin fin, dragées, confitures et telles menues délicatesses. « Quelle bonne chance vous amène, seigneur Hérode, » dit l'hôtelier. « Il y a longtemps qu'on ne vous a vu aux armes de France. »« C'est vrai, » répondit le tyran, « mais il ne faut pas toujours faire ces singeries sur la même place. Les spectateurs finissent par connaître tous vos tours et les exécuteraient eux-mêmes. Un peu d'absence est nécessaire. L'oublier vaut le neuf. Y a-t-il en ce moment beaucoup de noblesse à Poitiers ?» « Beaucoup, seigneur Hérode, les chasses sont finies et l'on ne sait que faire. On ne peut pas toujours manger et boire. Vous aurez du monde. »« Alors, » dit le tyran, « faites apporter les clés de 7 ou 8 chambres, ôtez de la broche 3 ou 4 chapons, retirez de derrière les fagots 12 de bouteilles de ce petit vin que vous savez et répandez par la ville ce bruit. Que l'illustre troupe du seigneur Hérode est débarquée aux armes de France avec un nouveau répertoire, se proposant de donner plusieurs représentations. » Pendant que le tyran et l'aubergiste dialoguaient de la sorte, les comédiens étaient descendus de voiture. Des valets s'emparèrent de leurs bagages et les portèrent aux chambres désignées. Celle d'Isabelle se trouva un peu écartée des autres, les plus proches se trouvant occupées. Cet éloignement ne déplut point à cette pudique jeune personne, qu'embarrassait parfois cette promiscuité bohémienne à quoi force la vie errante des comédiens. Bientôt, toute la ville, grâce à la faconde de maître Billot, sut que des comédiens étaient arrivés qui devaient jouer les pièces des plus beaux esprits du temps aussi bien qu'à Paris, sinon mieux. Les muguets et les raffinés s'informèrent de la beauté des actrices. En retroussant le bout de leurs moustaches avec un air de gloire et de fatuité parfaitement ridicule, Billot leur faisait, en les accompagnant de grimaces significatives, des réponses discrètes et mystérieuses, propres à tourner la cervelle et à enrager la curiosité de ces jeunes veaux. Isabelle avait fait ranger ses hardes sur des planches de l'armoire qui formaient, avec un lit à pente, une table à pied tort, deux fauteuils et un coffre à bois, le mobilier de sa chambre. Vaqua à ses soins de toilette que nécessite pour une jeune femme délicate et soignée de sa personne une longue route accomplie en compagnie d'hommes. Elle déploya ses longs cheveux plus fins que soie, les démêla, les peigna, y versa quelques gouttes d'essence à la bergamote et les rattacha avec des noms pareils bleus, couleur bien séante à son teint de rose pâle. Puis elle changea de linge. Qui l'eût vu ainsi aurait cru apercevoir une nymphe de Diane s'apprêtant, ses vêtements déposés sur la rive, à mettre le pied dans l'eau en quelques vallons bocagers de la Grèce. Mais ce ne fut qu'un éclair. Sur la blanche nudité s'abattit subitement un jaloux nuage de toile, car Isabelle était chaste et pudibonde, même en la solitude. Ensuite, elle revêtit une robe grise ornée d'agréments bleus, et se regardant au miroir, elle sourit de ce sourire que s'accorde la femme la moins coquette qui se trouve à son avantage. Sous l'influence d'une température plus douce, la neige avait fondu, et il ne restait de traces que dans les endroits exposés au nord. Un rayon de soleil brillait. Isabelle ne put résister à la tentation d'ouvrir la fenêtre et de mettre un peu son joli nez dehors pour examiner la vue qu'on découvrait de sa chambre, fantaisie d'autant plus innocente que la croisée donnait sur une ruelle déserte, formée d'un côté par l'auberge et de l'autre par un long mur de jardin que dépassaient les cimes dépouillées des arbres. Le regard plongeait dans le jardin et pouvait y suivre le dessin d'un parterre marqué par des ramages de buis. Au fond s'élevait un hôtel dont les murailles noircies attestaient l'ancienneté. Deux cavaliers s'y promenaient le long d'une charmille, jeunes tous deux et de bonne mine, mais non égaux de condition, à voir la différence dont l'un faisait montre à l'endroit de l'autre, se tenant un peu en arrière, cédant le haut de l'allée toutes les fois qu'il fallait revenir sur ses pas. En ce couple amical, le premier était Oreste et le second Pylade. Oreste, donnons-lui ce nom, puisque nous ne connaissons pas encore le véritable, pouvait avoir de 20 à 22 ans. Il avait le teint pâle, les yeux et les cheveux fort noirs. Son pourpoint de velours tanné faisait valoir sa taille souple et svelte. Un manteau court de même couleur et de même étoffe que le pourpoint, bordé d'un triple galon d'or, lui pendait de l'épaule, retenu par une ganse dont les glands retombaient sur la poitrine. Des bottes molles en cuir blanc de Russie chaussaient ses pieds, que plus d'une femme eût jalousé pour leur petitesse et leur cambrure, que faisait ressortir encore le talon haut de la botte. À l'aisance hardie de ses mouvements, à l'altière sécurité de son maintien, on devinait un grand seigneur, sûr d'être bien reçu partout et devant qui la vie s'ouvrait sans obstacle. Pylade, roux de cheveux et de barbe, vêtu de noir de la tête aux pieds, n'avait pas, à beaucoup près, quoique à ces jolis garçons de sa personne, la même certitude triomphante. « Je te dis, mon cher, que corrisant de ma somme !» fit Oreste en se retournant au bout de l'allée et continuant une conversation commencée avant qu'Isabelle n'eût ouvert la fenêtre. « Je lui ai fait défendre ma porte et je vais lui renvoyer son portrait aussi maussade que sa personne, avec ses lettres plus ennuyeuses encore que sa conversation. « Cependant, Corisande vous aime ?» objecta timidement Pylade. « Qu'est-ce que cela me fait si je ne l'aime point ?» répliqua Oreste avec une sorte d'emportement. « Il s'agit bien de cela, Dois-je la charité d'amour à toutes les pécores et donzelles qui ont la fantaisie de s'énamourer de moi? Je suis trop bon, je me laisse aller à ses yeux de carpe pâmée, à ses pleurnicheries, à ses soupirs, à ses jérémiades, et je finis par être embéguiné tout en maugréant de ma débonnaireté et couardise. Désormais je serai d'une férocité hyrcanienne, froid comme Hippolyte et fuyard des femmes ainsi que Joseph. À droite, la putifar qui mettra la griffe sur le bord de mon manteau. Je me déclare d'ores et en avant misogyne, c'est-à-dire ennemi du cotillon, qu'il soit de camelot ou de taffetas. Foin des duchesses et des courtisanes, des bourgeoises et des bergères, qui dit femme dit tracasserie, mécompte ou aventure maussade, je les hais de la coiffe au patin, et je vais me confier en chasteté comme un moignon en sa capuce. Cette corisande maudite m'a dégoûté de son sexe à tout jamais. J'y renonce. Au reste, on était là de son discours lorsque, levant la tête comme pour prendre le ciel à témoin de sa résolution, il aperçut par hasard Isabelle à la fenêtre. Il poussa le coude à son compagnon et lui dit « Avise là-bas, à cette croisée, fraîche comme l'aurore à son balcon d'Orient, cette adorable et délicieuse créature qui semble déité plutôt que femme, avec ses cheveux châtains cendrés, son clair visage et ses doux yeux. Quelle la bonne grâce ainsi accoudée et un peu penchée en avant, ce qui fait voir à l'avantage, sous la gaze de la chemisette, les rondeurs de sa gorge ivoirine. Je gage qu'elle a le meilleur caractère et ne ressemble point aux autres femelles. Son esprit doit être modeste, aimable et poli, son entretien agréable et charmant. « Malepeste !» répondit Pylade en riant. « Quels bons yeux vous avez de découvrir tout cela d'ici. Moi, je ne vois rien, sinon une femme à sa fenêtre, assez gentille pour dire vrai, mais qui n'a sans doute pas les incomparables perfections dont vous la dotez si libéralement. » « Oh, je l'aime déjà tout plein, j'en suis féru. Il me la faut et je l'aurai. Dussé-je, pour y parvenir, user des inventions les plus subtiles, vider mes coffres et pourfendre sans rivaux. » « Là, là, ne vous échauffez pas ainsi dans votre harnois, » dit Pylade. « Vous pourriez en gagner une pleurésie. Mais qu'est devenue cette belle haine du sexe que vous affichiez tout à l'heure avec tant de jactance ? Il a suffi du premier minois pour la mettre en déroute. Quand je parlais et invectivais de la sorte, je ne savais point que cet ange de beauté existât, et tout ce que j'ai dit n'est que blasphème damnable, hérésie pure et monstruosité, que je supplie Vénus, déesse des amours, de me vouloir bien pardonner. Elle vous pardonnera, n'en doutez pas, car elle est indulgente aux amoureux folles dont vous êtes digne de porter la bannière. « Je vais ouvrir la campagne, » fit Oreste, « et déclarer courtoisement la guerre à ma belle ennemie. » Cela disant, il s'arrêta, planta son regard droit sur Isabelle, ôta d'une façon aussi galante que respectueuse son feutre, dont la longue plume balaya la terre et envoya du bout des doigts un baiser dans la direction de la fenêtre. La jeune comédienne qui vit l'action prit un air froid et composé, comme pour faire comprendre à cet insolent qu'il se trompait, referma la fenêtre et rabattit le rideau. « Voilà l'aurore cachée par un nuage, » dit Pylade. « Cela n'est pas de bon augure pour le reste de la journée. Je regarde au contraire comme un signe favorable que la belle se soit retirée. Quand le soldat se dérobe derrière le créneau de la tour, cela veut dire que la flèche de l'assiégeant a porté. Elle en a dans l'aile, te dis-je, et ce baiser la forcera de penser à moi toute la nuit, ne fût-ce que pour m'injurier et me taxer d'effronterie. » Défaut qui ne déplaît pas aux femmes. Il y a maintenant quelque chose entre moi et cet inconnu. C'est un fil bien ténu, mais que j'enforcerai de manière à faire une corde pour monter au balcon de l'infante. Vous savez à merveille les théories et stratagèmes d'amour, dit Pylade respectueusement. Je m'en pique quelquefois, répondit Oreste. Et maintenant, rentrons. La belle effarouchée ne reparaîtra pas de sitôt. Ce soir, je mettrai mes grisons en campagne. Les deux amis remontèrent lentement les marches du vieil hôtel et disparurent. Revenons maintenant à nos acteurs. Il y avait non loin de l'auberge un jeu de paume merveilleusement propre à établir une salle de spectacle. Les comédiens le louèrent et un maître menuisier de la ville, sous la direction du tyran, l'eut bientôt accommodé à sa nouvelle destination. Un peintre vitrier qui se mêlait de barbouiller des enseignes et de blasonner des armoiries sur les carrosses rafraîchit les décorations fatiguées et déteintes et même en peignit une nouvelle avec assez de bonheur. La chambre où se déshabillaient et se réhabillaient les joueurs de paume fut disposée en foyer pour les comédiens avec des paravents qui entouraient les toilettes des actrices et formaient des espèces de loges. Toutes les places marquées étaient retenues d'avance et la recette promettait d'être bonne. « Quel dommage !» disait le tyran à Blasius en énumérant les pièces qu'il serait bon de jouer. « Quel dommage que Zerbine nous manque ! Une soubrette est à vrai dire le grain de sel, mica salis et le piment des comédies. Sa gaieté étincelante illumine la scène. Elle ravive les endroits languissants et force le rire qui ne veut point se décider en montrant ses 32 perles orlées de carmin vif. Par son caquetage, son impertinence et sa lascivité, elle fait valoir les affetteries pudiques, mollesse de langage et roucoulement de l'amoureuse. Les couleurs tranchées de cette hardie amusent l'œil, et elle peut découvrir jusqu'aux jarretières, où peu s'en faut, une jambe fine moulée dans un bas rouge à coin d'or. Perspective agréable aux jeunes comme aux vieux surtout, dont elle réveille la salacité endormie. Certes, répondit Blasius. La soubrette est un condiment précieux, une boîte aux épices qui saupoudre à propos la fadeur des comédies du temps. Mais il faut bien nous en passer. Ni Isabelle ni Séraphine ne peuvent remplir ce rôle. D'ailleurs, nous avons besoin d'une amoureuse et d'une grande coquette. Le diable soit de ce marquis de Bruyère qui nous a enlevé la perle, le phénix et le parangon des soubrettes en la personne de l'incomparable Zerbine. La conversation entre les deux comédiens en était là quand une sonnerie argentine de grelots se fit entendre devant le porche de l'hôtel. Bientôt des pas vifs et cadencés tintèrent sur le pavé de la cour et les causeurs, s'accoudant à la balustrade de la galerie où ils se promenaient, aperçurent trois mules harnachées à l'espagnol avec plumet sur la tête, broderies, houppes de laine, grappes de clochettes et couvertures rayées. Le tout fort propre et magnifique, ne sentant en rien la bête de louage. Sur la première était monté un maraud de laquais en livrée grise, portant le couteau de chasse à la ceinture et l'arquebuse en travers de l'arçon, l'air insolent comme un grand seigneur et qui, autrement vêtu, eût bien pu passer pour maître. Il tirait après lui par une longe entortillée autour de son bras la seconde mule, chargée de deux énormes paquets équilibrés de chaque côté du bas et recouverts d'une cape de muestra valencienne. La troisième mule, de meilleure mine et de plus fière allure encore que les deux autres, portait une jeune femme chaudement embossée dans un manteau garni de fourrure et coiffée d'un chapeau de feutre gris à plumes rouges, rabattu sur les yeux. « dit Blasius au tyran, « ce cortège ne te rappelle-t-il point quelque chose? Il me semble que ce n'est pas la première fois que j'entends tinter ces grelots. » Par saint Alipantin, répondit le tyran, ce sont les propres mules qui vinrent enlever Zerbine au carrefour de la croix, Quand on parle du loup, on en voit la plume, interrompit Blasius. Oh, jour trois et quatre fois heureux, notable à la craie blanche. C'est bien la seigneura Zerbine elle-même. Elle saute à bas de sa monture avec ce mouvement coquin de hanche qui n'appartient qu'à elle et jette sa mante au bras du laquais. La voilà qui ôte son feutre et secoue ses cheveux comme un oiseau ses plumes. Allons devant d'elle et dégringolons les montées quatre à quatre. Blasius et le tyran descendirent dans la cour et rencontrèrent Zerbine au bas du perron. La joyeuse fille sauta au col du pédant et lui prenant la tête. « Il faut, s'écria-t-elle en joignant l'action à la parole, que je t'accole et baise ton vieux masque à pleine bouche avec le même cœur que si tu étais un joli garçon pour la joie que j'ai de te revoir. Ne sois pas jaloux, Hérode, et ne fronce pas tes gros sourcils noirs comme si tu allais ordonner le massacre des innocents. » Je vais t'embrasser aussi. J'ai commencé par Blasius parce que c'est le plus laid. » Zerbine accomplit loyalement sa promesse, car c'était une fille de parole et qui avait de la probité à sa manière. Donnant une main à chacun des deux acteurs, elle monta dans la galerie où Maître Bilot lui fit préparer une chambre. À peine entrée, elle se jeta sur un fauteuil et se mit à respirer bruyamment comme une personne débarrassée d'un grand poids. « Vous ne sauriez imaginer, dit-elle aux deux comédiens après un moment de silence, le plaisir que j'éprouve à me retrouver avec vous. N'allez pas croire pour cela que je sois amoureuse de vos vieux museaux usés par la céruse et le rouge. Je n'aime personne, Dieu merci. Ma joie tient à ce que je rentre dans mon élément, et l'on est toujours mal hors de son élément. L'eau ne convient pas aux oiseaux non plus que l'air aux poissons. Les uns s'y noient et les autres y étouffent. Je suis comédienne de nature, et le théâtre est mon atmosphère. Là seulement je respire à mon aise. L'odeur des chandelles fumeuses me vaut mieux que civette, benjoin, ambre gris, musc et peau d'Espagne. Le relent des coulisses flaire à mon nez comme baume. Le soleil m'ennuie et la vie réelle me semble plate. Il me faut des amours imaginaires à servir et, pour déployer mon activité, le monde d'aventures romanesques qui s'agite dans les comédies. Depuis que les poètes ne me prêtent plus leur voix, je me fais l'effet d'être muette. Donc, je viens reprendre mon emploi. J'espère que vous n'avez engagé personne pour me remplacer. On ne me remplace pas, d'ailleurs. Si cela était... J'aurai bientôt mis les griffes au visage de la gaupe et je lui casserai les quatre dents de devant sur le rebord des tréteaux. Quand on empiète sur mes privilèges, je suis méchante comme un diable. « Tu n'auras besoin, dit le tyran, de te livrer à aucun carnage. Nous n'avons pas de soubrette. C'était Léonarde qui jouait tes rôles envieillis et tournés à la douaigne, métamorphose assez triste et maussade, à quoi nous obligeait la nécessité. » Si par quelqu'un de ces onguents magiques dont parle Apulée, tu t'étais mué tout à l'heure en oiseau et fusse venu, te posant au bord du toit, écouter la conversation que je tenais avec Blasius, il te serait arrivé, cette chose rare pour les absents, d'entendre ton éloge sur le mode lyrique, pindarique et dithyrambique. À la bonne heure, répondit Zerbine. Je vois que vous êtes toujours les bons compagnons d'autrefois et que votre petite Zerbinette vous manquait. » Des garçons d'auberge entrèrent dans la chambre et y déposèrent des paquets, des boîtes, des valises, dont la comédienne fit la revue et qu'elle ouvrit en présence de ses deux camarades avec plusieurs petites clés passées dans un anneau d'argent. C'étaient de belles nippes, du fin linge, des guipures, des dentelles, des bijoux, des pièces de velours et de satin de la Chine. Tout un trousseau aussi galant que riche. Il y avait en outre un sac de peau long, large, lourd, bourré de pécunes jusqu'à la gueule, dont Zerbine dénoua les cordons et qu'elle fit ruisseler sur la table. On eût dit le pactole monnayé. La soubrette plongeait ses petites mains brunes dans le tas d'or comme une vanneuse dans un tas de blé, en soulevait ce que pouvaient contenir ses paumes réunies en coupe, puis les ouvrait et laissait retomber les louis en pluie brillante, plus épaisse que celle dont fut séduite Danaé, fille d'Acrise, en sa tour d'airain. Les yeux de Zerbine scintillaient d'un éclat aussi vif que celui des pièces d'or, ses narines se dilataient et un rire nerveux découvrait ses dents blanches. Séraphine crèverait de malheurage si elle me voyait tant d'argent, dit la soubrette à Hérode et à Blasius. Je vous le montre pour vous prouver que ce n'est pas la misère qui me ramène au bercail, mais le pur amour de l'art. Quant à vous, mes vieux, si vous êtes bas percés, plongez vos pattes là-dedans et prenez-en tant que vos 5 doigts en pourront tenir, et même mettez-y le pouce à la mode d'Allemagne. Les comédiens la remercièrent de sa générosité, affirmant qu'ils n'avaient besoin de rien. « Eh bien, dit Zerbine, ce sera pour une autre fois. Je vous le garderai en ma cassette comme fidèle trésorière. »« Tu as donc abandonné ce pauvre marquis ?» dit Blasius d'un air de componction, « car tu n'es pas de celle qu'on délaisse. Le rôle d'Ariane ne te va point, mais bien celui de Circé. C'était pourtant un magnifique seigneur, bien fait de sa personne, ayant l'air de la cour, spirituel et digne en tout point d'être aimé plus longtemps. « Mon intention, répondit Zerbine, est bien de le garder comme une bague à mon doigt et le plus précieux joyau de mon écrin. Je ne l'abandonne nullement, et si je l'ai quitté, c'est afin qu'il me suivît. « Fougax et quax, fougax !» reprit le pédant. « Ces 4 mots latins à consonance cabalistique qui semblent un coassement de batraciens emprunté à la comédie des grenouilles du sieur Aristophane, poète athénien, contiennent la moelle des théories amoureuses et peuvent servir de règle de conduite pour le sexe tant viril que féminin. Et que chante ton latin, vieux pédant, fit Zerbine. Tu as négligé de le translater en français. Oubliant que tout le monde n'a pas été comme toi, régent de collège et distributeur de férules. « On le pourrait traduire, répondit Blasius, par de carmes ou versiculets en cette teneur. Fuyez, on vous suivra, suivez, on vous fuira. » « Voilà, dit Zerbine en riant, de la vraie poésie pour la flûte à l'oignon et les cornets en pâte sucrée. Qu'on enfonce dans les biscuits, cela doit aller sur l'air de Robin et Robine. » Et la folle créature se mit à chanter les vers du pédant à pleine gorge, d'une voix si claire, si argentine et si perlée que c'était plaisir de l'entendre. Elle accompagnait son chant de mine tellement expressive, tantôt riante, tantôt fâchée, qu'on croyait voir la poursuite et la retraite de 2 amants, l'un enflammé, l'autre dédaigneux. Quand elle eut bien lâché la bride à sa folâtrerie, elle se rasséréna et devint sérieuse. « Écoutez mon histoire. Le marquis m'avait fait conduire par ce valet et ce garçon de mule qui me vint reprendre au carrefour de la Croix à un petit castel ou pavillon de chasse qu'il possède en un de ses bois, fort retiré et difficile à découvrir, à moins de savoir qu'il existe, car une noire rangée de sapins le masque. C'est là que ce bon seigneur va faire la débauche avec quelques amis francs compagnons. On y peut crier top et masse sans que personne vous entende autre qu'un vieux domestique qui renouvelle les flacons. C'est là aussi qu'il abrite ses amours et fantaisies galantes. Il s'y trouve un appartement fort propre, tapissé en verdure de Flandre, meublé d'un lit à l'antiquaille, mais large, moelleux, bien garni de coussins et rideaux, d'une toilette dressée où ne manque rien de ce qui est nécessaire à une femme, fût-elle duchesse. Peigne, éponge, flacon d'essence, opiat, boîtes à mouches, pommades pour les lèvres, pâtes d'amande, de fauteuils chaises et pliants rembourrés à souhait, et d'un tapis turc si épais qu'on peut tomber partout sans se faire mal. Ce retrait occupe mystérieusement le second étage du pavillon. Je dis mystérieusement, car du dehors il est impossible d'en soupçonner les magnificences. Le temps a noirci les murs qui sembleraient près de tomber en ruine sans un lierre qui les embrasse et les soutient. En passant devant le castel, on le croirait inhabité. Les volets étentures des fenêtres empêchent le soir la lumière des cires et du feu de se répandre sur la campagne. « Ce serait là, interrompit le tyran, une belle décoration pour un cinquième acte de tragicomédie. On pourrait s'égorger à loisir en une telle maison. »« L'habitude des rôles tragiques, dit Zerbine, te rembrunit l'imagination. C'est au contraire un logis fort joyeux, car le marquis n'est rien moins que féroce. » Poursuis ton récit, Zerbine, dit Blasius avec un geste d'impatience. Quand j'arrivais près de ce manoir sauvage, continua Zerbine, je ne pus me défendre d'une certaine appréhension. Je n'avais pas à craindre pour ma vertu, mais j'eus un instant l'idée que le marquis voulait me claquemurer là, dans une espèce d'oubliette d'où il me tirerait de temps à autre au gré de son caprice. Je n'ai aucun goût pour les donjons à soupiraux grillés et ne souffrirai pas la captivité, même pour être sultane favorite de sa hautesse, le grand seigneur. Mais je me dis, je suis soubrette de mon métier et j'ai en ma vie tant fait évader d'Isabelle, de Léonore et de Doralis que je saurais bien trouver une ruse pour m'échapper moi-même si toutefois on me veut retenir. Il serait beau qu'un jaloux fît Zerbine prisonnière. J'entrai donc bravement et fus surprise de la plus agréable manière du monde en voyant que ce logis refrogné qui faisait la grimace aux passants souriait aux hôtes, délabrement en dehors, luxe en dedans. Un bon feu flambait dans la cheminée, des bougies roses reflétaient leurs clartés au miroir des appliques, et sur la table, avec force cristaux, argenteries et flacons, un souper aussi abondant que délicat était servi. Au bord du lit négligemment jeté, des pièces d'étoffe fripaient dans leurs plis des reflets de lumière. Des bijoux posés sur la toilette, bracelets, colliers, pendants d'oreilles, lançaient de folles bluettes et de brusques scintillements d'or. Je me sentais tout à fait rassurée. Une jeune paysanne, soulevant la portière, vint m'offrir ses services et me débarrassa de mon habit de voyage pour m'en faire prendre un plus convenable qui se trouvait tout préparé dans la garde-robe. Bientôt arriva le marquis. Il me trouva charmant en mon déshabillé de taffetas flambé de blanc et de cerises, et il jura que vraiment il m'aimait à la folie. Nous soupâmes, et quoi qu'il en coûte à ma modestie, je dois avouer que je fus éblouissante. Je me sentais un esprit du diable. Les saillies me jaillissaient, les rencontres me venaient parmi d'étincelantes fusées de rire. C'était un entrain, une verve, une furie joyeuse qu'on n'imagine pas. Il y avait de quoi faire danser les morts et flamber les cendres du vieux roi Priam. Le marquis, ébloui, fasciné, enivré, m'appelait tantôt ange et tantôt démon. Il me proposait de tuer sa femme et de m'épouser, le cher homme. Il l'aurait fait comme il le disait, mais je ne voulus point, disant que ces tueries étaient choses fades, bourgeoises et communes. Je ne crois pas que Laïs, la belle Impéria et Madame Vanosa, qui fut maîtresse d'un pape, aient jamais plus galamment égayé une medianoche. Ce fut ainsi pendant plusieurs jours. Peu à peu, cependant, le marquis devint rêveur. Il semblait chercher quelque chose dont il ne se rendait pas compte et qui lui manquait. Il fit quelques courses à cheval et même il invita deux ou trois amis, comme pour se distraire. Le sachant vaniteux, je m'attifais à mon avantage et redoublais de gentillesse, grâces et minauderies devant ces hauts bureaux qui jamais ne s'étaient trouvés à pareille fête. Au dessert, me faisant des castagnettes avec une assiette de porcelaine de Chine cassée, j'exécutais une sarabande si folle, si lascive, si enragée qu'elle eût damné un saint. C'étaient des bras pâmés au-dessus de la tête, des jambes luisant comme un éclair dans le tourbillon des jupes, des hanches plus frétillantes que vif argent, des reins cambrés à toucher le parquet des épaules, une gorge qui battait la campagne, le tout incendié de regards et de sourires à mettre le feu à une salle si jamais je pouvais danser un tel pas sur un théâtre. Le marquis rayonnait en sa gloire, fier comme un roi d'avoir une pareille maîtresse. Mais le lendemain, il fut morne, languissant, désœuvré. J'essayais de mes philtres les plus forts. Hélas, il n'avait plus de puissance sur lui. Cet état paraissait l'étonner lui-même. Parfois, il me regardait fort attentivement, comme étudiant sous mes traits la ressemblance d'une autre personne. M'aurait-il prise, pensais-je, pour servir de corps à un souvenir et lui rappellerais-je un amour perdu? Non, me répondais-je, ces fantaisies mélancoliques ne sont pas dans sa nature. De telles rêvasseries conviennent aux bilieux hypochondriaques et non point à ces joyeux qui ont la joue vermeille et l'oreille rouge. N'était-ce point satiété? Dit Blasius. Car d'Ambroisie même on se dégoûte, et les dieux viennent manger sur terre le pain bis des humains. Apprenez, monsieur le sot, répondit Zerbine en donnant une petite tape sur les doigts du pédant, qu'on n'est jamais las de moi, vous me l'avez dit tout à l'heure. Pardonne-moi, Zerbine, et dis-nous ce qui fantasiait l'humeur de monsieur le marquis, je grille de l'apprendre. Enfin, reprit la soubrette. À force d'y rêver, je compris ce qui chagrinait le marquis dans son bonheur, et je découvris quel était le pli de rose dont soupirait ce sybarite sur sa couche de volupté. Il avait la femme, mais il regrettait la comédienne. Cet aspect brillant que donnent les lumières, le phare, les costumes, la diversité et l'action des rôles s'était évanoui, comme s'éteint la splendeur factice de la scène quand le moucheur souffle les chandelles. En rentrant dans la coulisse, j'avais perdu pour lui une partie de mes séductions. Il ne lui restait plus que Zerbine. Ce qu'il aimait en moi, c'était Lisette, c'était Marton, c'était Marinette, l'éclair du sourire et de l'œil, la réplique alerte, le minois effronté, l'ajustement fantasque, le désir et l'admiration du public. Il cherchait à travers mon visage de ville, mon visage de théâtre, car nous autres actrices, quand nous ne sommes pas laides, nous possédons deux beautés, l'une composée et l'autre naturelle, un masque et une figure. Souvent, c'est le masque qu'on préfère, encore que la figure soit jolie. Ce que souhaitait le marquis, c'était la soubrette qu'il avait vue dans les rodomontades du capitaine Matamor et que je ne lui représentais qu'à demi. Le caprice qui attache certains seigneurs à des comédiennes est beaucoup moins sensuel qu'on ne pense. C'est une passion d'esprit plutôt que de corps. Il croit atteindre l'idéal en étreignant le réel, mais l'image qu'ils poursuivent leur échappe. Une actrice est comme un tableau qu'il faut contempler à distance et sous le jour propice. Si vous approchez, le prestige se dissipe. Moi-même, je commençais à m'ennuyer. J'avais bien souvent désiré d'être aimée d'un grand, d'avoir de riches toilettes, de vivre sans souci dans les recherches et les délicatesses du luxe, et souvent il m'était arrivé de maudire ce sort rigoureux qui me forçait d'errer de bourg en ville sur une charrette suant l'été, gelant l'hiver, pour faire mon métier de baladine. J'attendais une occasion d'en finir avec cette vie misérable, ne me doutant pas que c'était ma vie propre, ma raison d'être, mon talent, ma poésie, mon charme et mon lustre particulier. Sans ce rayon d'art qui me dore un peu, je ne serais qu'une drôlesse vulgaire comme tant d'autres. Thalie, déesse vierge, me sauvegarde de sa livrée, et les vers des poètes, charbon de feu, touchant mes lèvres, les purifient de plus d'un baiser lascif et mignard. Mon séjour dans le pavillon du marquis m'éclaira. Je compris que ce brave gentilhomme n'était pas épris seulement de mes yeux, de mes dents, de ma peau, mais bien de cette petite étincelle qui brille en moi et me fait applaudir. Un beau matin, je lui signifiai tout net que je voulais reprendre ma volée et que cela ne me convenait point d'être à perpétuité la maîtresse d'un seigneur, que la première venue pouvait bien le faire et qu'il m'octroya gracieusement mon congé, lui affirmant d'ailleurs que je l'aimais bien et que j'étais parfaitement reconnaissante de ses bontés. Le marquis parut d'abord surpris, mais non fâché, et après avoir réfléchi quelque peu, il dit « Qu'allez-vous faire, mignonne ?» Je lui répondis « Rattraper en route la troupe d'Hérode, ou la rejoindre à Paris si elle y est déjà. » « Je veux reprendre mon emploi de soubrette. Il y a longtemps que je n'ai dupé de Géronte. » Cela fit rire le marquis. « Eh bien, dit-il, partez en avant avec l'équipage de mules que je mets à votre disposition. Je vous suivrai sous peu. J'ai quelques affaires négligées qui exigent ma présence à la cour, et il y a longtemps que je me rouille en province. Vous me permettrez bien de vous applaudir, et si je gratte à la porte de votre loge, vous m'ouvrirez, je pense. » Je pris un petit air pudibon, mais qui n'avait rien de désespérant. « Ah, monsieur le marquis, que me demandez-vous là ? » Bref, après les adieux les plus tendres, j'ai sauté sur ma mule et me voici aux armes de France. « Mais, » dit Hérode d'un ton de doute, « si le marquis ne venait pas, tu serais furieusement attrapé. » Cette idée parut si bouffonne à Zerbine qu'elle se renversa dans son fauteuil et se mit à rire à gorge déployée en se tenant les côtes. « Le marquis ne va pas venir ! » s'écria-t-elle lorsqu'elle eut repris son sang-froid. « Tu peux faire retenir son appartement d'avance. Toute ma crainte était qu'en son ardeur, il ne m'eût dépassé. Ah, ça, tu doutes de mes charmes, tyran aussi imbécile que cruel ! « Décidément, les tragédies t'abrutissent. Tu avais plus d'esprit autrefois. » Léandre, Scapin, qui avait appris par les valets l'arrivée de Zerbine, entrèrent dans la chambre et la complimentèrent. Bientôt parut Dame Léonarde, dont les yeux de chouette flamboyèrent à la vue de l'or et des bijoux étalés sur la table. Elle se montra auprès de Zerbine de l'obséquiosité la plus basse. Isabelle vint aussi, et la soubrette lui fit cadeau gracieusement d'une pièce de taffetas. Séraphine seule resta renfermée chez elle. Son amour-propre n'avait pu pardonner à sa rivale l'inexplicable préférence du marquis. On dit à Zerbine que Matamor avait été gelé en route, mais qu'il était remplacé par le baron de Cigognac, lequel prenait pour nom de théâtre le titre, bien accommodé à l'emploi, de capitaine fracasse. « Ce me sera un grand honneur de jouer avec un gentilhomme dont les aïeux allèrent aux croisades, » dit Zerbine, « et je tâcherai que le respect n'étouffe point en moi la verve. Heureusement que je suis maintenant habituée aux personnes de qualité. » Sur ce, Cigognac entra dans la chambre. Zerbine, pliant le jarret de manière à faire bouffer amplement ses jupes, lui adressa une belle révérence de cour, bien proportionnée et cérémonieuse. « Ceci, dit-elle, est pour monsieur le baron de Cigognac, et voici pour le capitaine Fracasse, mon camarade, ajouta-t-elle en le baisant fort vivement sur les deux joues, ce qui faillit décontenancer Cigognac, peu accoutumé encore à ses libertés de théâtre et que troublait d'ailleurs la présence d'Isabelle. Le retour de Zerbine permettait de varier agréablement le répertoire, et toute la troupe, à l'exception de Séraphine, était on ne peut plus satisfaite de la revoir. Maintenant que la voilà bien installée dans sa chambre, au milieu de ses joyeux camarades, informons-nous d'Oreste et de Pylade, que nous avons laissé rentrant chez eux après leur promenade au jardin. Oreste, c'est-à-dire le jeune duc de Vallombreuse, car tel était son titre, ne mangea que du bout des dents et plus d'une fois oublia sur la table le verre que le laquais venait de remplir, tant il avait l'imagination préoccupée de la belle femme aperçue à la fenêtre. Le chevalier de Vidalenc, son confident, essayait vainement de le distraire. Valombreuse ne répondait que par monosyllabes aux plaisanteries amicales de son Pylade. Dès que le dessert fut enlevé, le chevalier dit au duc « Les plus courtes folies sont les meilleures. Pour que vous ne pensiez plus à cette beauté, il ne s'agit que de vous en assurer la possession. Elle sera bientôt à l'état de Corisande. Vous avez le naturel de ces chasseurs qui du gibier n'aiment que la poursuite. » Et la pièce tuée ne le ramasse même point. Je vais aller faire une battue pour vous rabattre l'oiseau vers vos filets. Non pas, reprit Valombreuse, j'irai moi-même. Comme tu l'as dit, la poursuite seule m'amuse, et je suivrai jusqu'au bout du monde la plus chétive bête de poil ou de plume, de remise en remise, jusqu'à tomber mort de fatigue. Ne m'ôte pas ce plaisir. Oh, si j'avais le bonheur de trouver une cruelle, je crois que je l'adorerais. Mais il n'en existe pas sur le globe terraqué. Si l'on ne savait vos triomphes, dit Vidalenc, on pourrait sur ce propos vous taxer de fatuité. Mais vos cassettes pleines de billets doux, portraits, nœuds de rubans, fleurs séchées, mèches de cheveux noirs, blonds ou roux, et tels autres gages d'amour, montrent bien que vous êtes modeste en parlant ainsi. Peut-être allez-vous être servi à souhait, car la dame de la fenêtre me semble sage, pudique et froide à merveille. Nous verrons bien, maître Bilot cause volontiers. Il écoute aussi, et c'est l'histoire des personnes qui logent en son auberge. Allons boire chez lui un flacon de vin des Canaries. Je le ferai causer, et il nous renseignera sur cette infante en voyage. » Quelques minutes après, les deux jeunes gens entraient aux armes de France et demandaient maître Bilot. Le digne aubergiste, connaissant la qualité de ses hôtes, les conduisit lui-même en une chambre basse bien tendue, où brillait dans une cheminée à large manteau un feu pétillant et clair. Il prit des mains du sommelier la bouteille grise de poussière et tapissée de toile d'araignée, la décoiffa de son casque de cire avec des précautions infinies, extirpa du goulot sans secousse le bouchon tenace et d'une main aussi ferme que si elle eût été coulée en bronze, versa un fil de liqueur blond comme la topaze dans les verres de Venise à pied en spirale que lui tendaient le duc et le chevalier. En faisant ce métier des chansons, Bilot affectait une religieuse gravité. On eût dit un prêtre de Bacchus officiant et célébrant les mystères de la dive bouteille. Il ne lui manquait que d'être couronné de lierre ou de pampre. Ces cérémonies augmentaient la valeur du vin qu'il servait, lequel était réellement fort bon et plus digne d'une table royale que d'un cabaret. Il allait se retirer quand Valombreuse, d'un clin d'œil mystérieux, l'arrêta sur le seuil. « Maître Bilot, lui dit-il, prenez un verre au dressoir et buvez à ma santé une rasade de ce vin. » Le ton n'admettait pas de réplique, et d'ailleurs, Bilot ne se faisait pas prier pour aider un hôte à consommer les trésors de son cellier. Il éleva son verre en saluant, et en vida le contenu jusqu'à la dernière perle. « Bon vin !» dit-il avec un friand clapement de langue contre le palais. Puis il resta debout, la main appuyée au rebord de la table, les yeux fixés sur le duc, attendant ce qu'on voulait de lui. « As-tu beaucoup de monde dans ton auberge ?» dit Valombreuse. « Et de quelle sorte ?» Bilot allait répondre, mais le jeune duc prévint la phrase de l'hôtelier et continua. « À quoi bon finasser avec un vieux mécréant tel que toi ? Quelle est la femme qui habite cette chambre, dont la fenêtre donne sur la ruelle en face de l'hôtel Valombreuse ? La troisième croisée en partant de l'angle du mur. Réponds vite, tu auras une pièce d'or par syllabe. » À ce prix, dit Bilot avec un large rire, il faudrait être bien vertueux pour employer le style laconique tant estimé des anciens. Cependant, comme je suis tout dévoué à votre seigneurie, je n'userai que d'un seul mot, Isabelle. Isabelle, nom charmant et romanesque, dit Valombreuse. mais n'use pas de cette sobriété lacédémonienne. Sois prolixe et raconte-moi par le menu tout ce que tu sais de cette infante. « Je vais me conformer aux ordres de sa seigneurie, » répondit maître Bilot en s'inclinant. « Mon cellier, ma cuisine, ma langue sont à sa disposition. Isabelle est une comédienne qui appartient à la troupe du seigneur Hérode, présentement logée à l'hôtel des Armes de France. »« Une comédienne ?» dit le jeune duc avec un air de désappointement. « Je l'aurais plutôt prise à sa mine discrète et réservée, » pour une dame de qualité ou bourgeoise cossue que pour une baladine errante. On peut s'y tromper, continua Bilot. La demoiselle a des façons fort décentes. Elle joue le rôle d'ingénue au théâtre et le continue à la ville. Sa vertu, quoique fort exposée, car elle est jolie, n'a reçu aucune brèche et aurait le droit de se coiffer du chapeau virginal. Nul ne sait mieux éconduire un galant par une politesse exacte et glacée qui ne laisse pas d'espoir. « Ceci me plaît, » fit Valombreuse. « Je ne hais rien tant que ces facilités trop ouvertes et ces places qui battent la chamade, demandant à capituler devant même qu'on ait donné l'assaut. « Il en faudra plus d'un pour emporter cette citadelle, » dit Bilot. « Quoique vous soyez un hardi et brillant capitaine, » peu habituée à rencontrer de résistance, d'autant qu'elle est gardée par la sentinelle vigilante d'un pudique amour. « Elle a donc un amant, cette sage Isabelle ?» s'écria le duc d'un ton à la fois triomphant et dépité, car d'une part il ne croyait guère à la vertu des femmes, et de l'autre cela le contrariait d'apprendre qu'il avait un rival. « J'ai dit amour et non pas amant. » continua l'aubergiste avec une respectueuse insistance. « Ce n'est pas la même chose. Votre seigneurie est trop experte en matière de galanterie pour ne point apprécier cette différence, bien qu'elle ait l'air subtile. Une femme qui a un amant peut en avoir deux, comme dit la chanson, mais une femme qui a un amour est impossible, ou du moins fort mal aisée à vaincre. Elle possède ce que vous lui offrez. » « Tu raisonnes là-dessus, » dit Valombreuse, « comme si tu eusses étudié les cours d'amour et les sonnets de Pétrarque. Je ne te croyais docte qu'en fait de sauces et de vin. Et quel est l'objet de cette platonique tendresse ?»« Un comédien de la troupe, » répondit Bilot, « que j'imaginerais volontiers engagé par amourette, car il ne me semble pas avoir les allures d'un histrion vulgaire. » « Eh bien !» dit le chevalier Vidalin à son ami. « Vous devez être content. Voilà des obstacles imprévus qui se présentent. Une comédienne vertueuse, cela ne se rencontre pas tous les jours. Et c'est une affaire à vous. Cela vous reposera des grandes dames et des courtisanes. »« Tu es sûr, » continua le jeune duc poursuivant sa pensée, « que cette chaste Isabelle n'accorde aucune privauté à ce fat que je déteste déjà de toute mon âme. » « On voit bien que vous ne la connaissez point, » reprit maître Bilot. « C'est une hermine qui aimerait mieux mourir qu'avoir une tache en son blanc pelage. Quand la comédie exige des embrassades, on la voit rougir à travers son fard et parfois s'essuyer la joue avec le dos de la main. « Vive les beautés altières, farouches et rebelles au montoir !» s'écria le duc. « Je la cravacherai si bien !» qu'il faudra qu'elle prenne le pas, l'amble, le trot, le galop, et fasse toutes les courbettes à ma volonté. Vous n'en obtiendrez rien de cette manière, monsieur le duc, permettez-moi de vous le dire, fit maître Bilot en faisant un salut empreint de la plus profonde humilité, comme il convient à un inférieur qui contredit un supérieur, séparé de lui par tant de degrés de l'échelle sociale. Si je lui envoyais dans un bel étui de chagrin des pendeloques à grosses perles, un collier d'or à plusieurs rangs avec fermoirs en pierreries, un bracelet en forme de serpent ayant deux gros rubis balais pour yeux. Elle vous renverrait toutes ses richesses en répondant que vous la prenez sans doute pour une autre. Elle n'est point intéressée comme la plupart de ses compagnes, et ses yeux, chose rare pour une femme, ne s'allume pas au feu de la joaillerie. Elle regarde les diamants les mieux enchâssés comme si c'était nèfle sur paille. Que voilà un étrange et fantasque échantillon de sexe féminin, dit le duc de Vallombreuse un peu étonné. Sans doute elle veut, par ses semblants de sagesse, se faire épouser de ce marot, lequel doit être abondamment pourvu de biens. Le caprice prend quelquefois à ces créatures de faire souche d'honnêtes gens et de s'asseoir aux assemblées parmi les prudes femmes, l'œil baissé sur la modestie, avec un air de sainte n'y touche. « Eh bien, épousez-la, » fit Vidalinque en riant, « s'il n'y a pas d'autre moyen. Ce titre de duchesse humanise les plus revêches. »« Tout beau, tout beau !» reprit Vallombreuse. « N'allons pas si vite en besogne. Il faut d'abord parlementer. Cherchons pour aborder la belle quelques stratagèmes qui ne l'effarouchent pas trop. » « Cela est plus facile que de s'en faire aimer, » dit maître Billot. « Il y a ce soir au jeu de paume répétition de la pièce qu'on doit jouer demain. Quelques amateurs de la ville seront admis, et vous n'avez qu'à vous nommer pour que la porte s'ouvre à deux battants devant vous. D'ailleurs, j'en toucherai deux mots au seigneur Hérode, qui est fort de mes amis et n'a rien à me refuser. Mais, selon ma petite science, vous auriez mieux fait d'adresser vos vœux à mademoiselle Séraphine, qui n'est pas moins jolie qu'Isabelle, et dont la vanité se fût pâmée de plaisir à cette recherche. « C'est d'Isabelle que je suis affolée, » fit le duc d'un petit ton sec qu'il savait prendre admirablement et qui tranchait tout. « D'Isabelle et non d'une autre, maître Billot. » Et plongeant la main dans sa poche, il répandit négligemment sur la table une assez longue traînée de pièces d'or. « Payez-vous de votre bouteille et gardez le reste de la monnaie. » L'hôtelier ramassa les louis avec componction et les fit glisser l'un après l'autre au fond de son escarcelle. Les deux gentilshommes se levèrent, enfoncèrent leur feutre jusqu'aux sourcils, jetèrent leur manteau sur le coin de leur épaule et quittèrent la salle. Vallombreuse fit plusieurs tours dans la ruelle, levant le nez chaque fois qu'il passait devant la bienheureuse fenêtre, mais ce fut peine perdue. Isabelle, désormais sur ses gardes, ne se montra point. Le rideau était baissé et l'on eût pu croire qu'il n'y avait personne en la chambre. Là de faire le pied de grue dans cette ruelle déserte fort rafraîchie du vent de bise, posture à laquelle il n'était pas accoutumé, le duc de Vallombreuse se lassa bientôt d'une attente vaine et reprit le chemin de sa demeure, maugréant contre l'impertinente pruderie de cette pecque assez assurée pour faire languir ainsi un duc jeune et bien fait. Il pensa même, avec quelque complaisance, à cette bonne Corisande, naguère si dédaignée, mais l'amour-propre bientôt lui dit à l'oreille qu'il n'aurait qu'à paraître pour triompher comme César. Quant au rival, s'il le gênait trop, il le supprimerait au moyen de quelques estafiers ou coupe-jarrets à gages, la dignité ne permettant pas de se commettre avec un pareil drôle. Il est vrai, Vallombreuse n'avait pas aperçu Isabelle retirée au fond de son appartement, mais pendant sa faction dans la ruelle, un œil jaloux l'épiait à travers la vitre d'une autre fenêtre. Celui de Cigognac à qui les allures et menées du personnage déplaisaient fort. 10 fois le baron fut tenté de descendre et d'attaquer le galant l'épée haute, mais il se contint. Il n'y avait rien d'assez formel dans l'action de se promener le long d'une muraille pour justifier une semblable agression qu'on eût taxée de folle et ridicule. L'éclat en eût pu nuire à la renommée d'Isabelle, toute innocente de ses regards levés en haut toujours au même endroit. Il se promit toutefois de surveiller de près le galantin et en grava les traits dans sa mémoire pour le reconnaître quand besoin serait. Hérode avait choisi pour la représentation du lendemain, annoncée et tambourinée par toute la ville, Lygdamon et Lydia sous la « ressemblance », tragicomédie d'un certain Georges de Scudéry, gentilhomme qui, après avoir servi aux gardes françaises, quittait l'épée pour la plume et ne se servait pas moins bien de l'une que de l'autre, et les rodomontades du capitaine Fracasse, où Cigognac devait débuter devant un véritable public, n'ayant encore joué que pour les veaux, les bêtes à cornes et les paysans dans la grange de Belle Ombre. Tous les comédiens étaient fort affairés à apprendre leur rôle. La pièce du sieur de Scudéry étant nouvellement mise en lumière, ils ne la connaissaient point. Rêveurs et brochant des babines comme singes disant leurs pattes nôtres, ils se promenaient sur la galerie, tantôt marmottant, tantôt poussant de grands éclats de voix. Qui les eût vus les eût pris pour gens forcenés et hors de sens. Ils s'arrêtaient tout court, puis repartaient à grands pas, agitant les bras comme moulins démanchés. Léandre, surtout, qui devait jouer Ligdamon, cherchait des poses, essayait des effets et se démenait comme un diable dans un bénitier. Il comptait sur ce rôle pour réaliser son rêve d'inspirer de l'amour à une grande dame et prendre sa revanche des coups de bâton reçus au château de Bruyère, coups de bâton qui lui étaient restés plus longtemps encore sur le cœur que sur le dos. Ce rôle d'amant langoureux et transi, poussant les beaux sentiments aux pieds d'une inhumaine en vers d'un assez bon tour, prêtait à des clins d'yeux, à des soupirs, à des pâleurs et à toutes sortes d'affecteries attendrissantes, à quoi excellait principalement le sieur Léandre, un des meilleurs amoureux de la province, malgré ses prétentions et ses ridicules. Cigognac, dont Blasius s'était institué le professeur, étudiait dans sa chambre avec le vieux comédien et se façonnait à cet art difficile du théâtre. Le type qu'il représentait par son caractère extravagamment outré s'éloignait du naturel, et cependant il fallait que sous l'exagération on sentît la vérité et qu'on démêlât l'homme à travers le fantoche. Blasius lui donnait des conseils en ce sens et lui enseignait à commencer par un ton simple et vrai pour arriver à des intonations bizarres ou bien à rentrer dans la diction ordinaire après des cris de Pan plumés vifs, car il n'est personnage si affecté qu'il le soit toujours. D'ailleurs, cette inégalité est le propre des lunatiques et dévoyés de cervelle. Elle existe aussi dans leurs gestes détraqués qui ne concordent pas exactement au sens des paroles, des accords dont l'artiste habile peut tirer des effets comiques. Blasius était d'avis que Cigognac prit le demi-masque, c'est-à-dire cachant le front et le nez, pour garder la tradition de la figure et mêler sur son visage le fantasque au réel. Grand avantage en ces sortes de rôles moitié faux, moitié vrai, caricature générale de l'humanité dont elle ne se fâche point comme d'un portrait. Entre les mains d'un comédien vulgaire, un tel rôle peut n'être qu'une plate bouffonnade propre à divertir la canaille et à faire hausser les épaules aux honnêtes gens. Mais un acteur de mérite peut y introduire des traits de naturel et représentant mieux la vie que s'ils étaient concertés. L'idée du demi-masque souriait assez à Cigognac. Le masque lui assurait l'incognito et lui donnait le courage d'affronter la foule. Ce mince carton lui faisait l'effet d'un homme à visière baissée à travers laquelle il parlerait d'une voix de fantôme. Car le visage est la personne même, le corps n'a pas de nom et la face cachée ne se peut connaître. Cet arrangement conciliait le respect de ses aïeux et les nécessités de sa position. Il ne s'exposait plus devant les chandelles d'une façon matérielle et directe. Il n'était ainsi que l'âme inconnue vivifiant une grande marionnette, nervis alienis mobile lignum. Seulement, il habitait l'intérieur de cette marionnette au lieu d'en tirer extérieurement les fils. Sa dignité n'avait rien à souffrir de ce jeu. Blasius, qui aimait fort Cigognac, modela lui-même le masque de façon à lui composer une physionomie de théâtre tout à fait différente de sa physionomie de ville. Un nez rehaussé, constellé de verrues et rouge du bout comme une guigne, des sourcils circonflexes et dont le poil se rebroussait en virgule, une moustache aux pointes effilées et se recourbant comme les cornes de la lune, rendaient méconnaissables les traits réguliers du jeune baron. Cet appareil disposé comme un chanfrein ne couvrait que le front et la protubérance nasale, mais tout le reste du visage en était changé. On se rendit à la répétition, qui devait être en costume pour qu'on pût bien se rendre compte de l'effet général. Pour ne pas traverser la ville en carême prenant, les comédiens avaient fait porter leurs habits au jeu de paume et les actrices s'accommodaient dans la salle que nous avons décrite. Les gens de condition, les galantins, les beaux esprits de l'endroit avaient fait rage pour pénétrer dans ce temple, ou plutôt sacristie de Thalia, où les prêtresses de la muse se revêtaient de leurs ornements pour célébrer les mystères. Tous faisaient les empressés auprès des comédiennes. Les uns leur présentaient le miroir, les autres approchaient les bougies afin qu'elles se vissent mieux. Celui-ci donnait son opinion sur la place d'un nœud de ruban, celui-là attendait la boîte à poudre, un autre plus timide restait assis sur un coffre, branlant les jambes sans dire mot et filant sa moustache par manière de contenance. Chaque comédienne avait son cercle de courtisans dont les yeux goulus cherchaient fortune dans les trahisons et les hasards de la toilette. Tantôt le peignoir glissant à propos découvrait un dos lustré comme un marbre, tantôt c'était un demi-globe de neige ou d'ivoire qui s'impatientait des rigueurs du corset et qu'il fallait mieux coucher dans son nid de dentelle, ou bien encore un beau bras qui, se relevant pour ajuster quelque chose à la coiffure, se montrait nu jusqu'à l'épaule. Nous vous laisserons à penser que de madrigaux, de compliments et de fadeurs mythologiques arrachèrent à ces provinciaux la vue de pareils trésors. Zerbine riait comme une folle d'entendre ces sottises. Séraphine, plus vaniteuse que spirituelle, s'en délectait. Isabelle ne les écoutait point, et sous les yeux de tous ces hommes s'arrangeait avec modestie, refusant d'un ton poli mais froid les offres de service de ces messieurs. Valombreuse, suivie de son ami Vidalin, n'avait eu garde de manquer cette occasion de voir Isabelle. Il la trouva plus jolie encore de près que de loin, et sa passion s'en accrut d'autant. Ce jeune duc s'était adonisé pour la circonstance, et de fait il était admirablement beau. Il portait un magnifique costume de satin blanc, bouillonné et relevé d'agréments et de nœuds cerises, attachés par des ferrets de diamants. Des flots de linge fin et de dentelle débordaient des manches du pourpoint. Une riche écharpe en toile d'argent soutenait l'épée. Un feutre blanc à plumes incarnadines se balançait à la main emprisonnée dans un gant à la frangipane. Ses cheveux noirs et longs, frisés en minces boucles, se contournait le long de ses joues d'un ovale parfait et en faisait valoir la chaude pâleur. Sous sa fine moustache, ses lèvres brillaient rouges comme des grenades et ses yeux étincelaient entre deux épaisses franges de cils. Son col blanc et rond comme une colonne de marbre supportait fièrement sa tête et sortait dégagé d'un rabat en point de Venise du plus grand prix. Cependant, il y avait quelque chose de déplaisant dans toute cette perfection. Ses traits, si fins, si purs, si nobles, étaient déparés par une expression anti-humaine, si l'on peut employer ce terme. Évidemment, les douleurs et les plaisirs des hommes ne touchaient que fort peu le porteur de ce visage implacablement beau. Il devait se croire, et se croyait en effet, d'une espèce particulière. Valombreuse s'était placée silencieusement près de la toilette d'Isabelle, son bras appuyé sur le cadre du miroir, de manière à ce que les yeux de la comédienne, obligés de consulter la glace à chaque minute, dussent souvent le rencontrer. C'était une manœuvre savante et de bonne tactique amoureuse qui eût réussi, sans doute, avec tout autre que notre ingénue. Il voulait, avant de parler, frapper un coup par sa beauté, sa mine altière et sa magnificence. Isabelle, qui avait reconnu le jeune audacieux de la ruelle et que ce regard d'une ardeur impérieuse gênait, gardait la plus extrême réserve et ne détournait pas sa vue du miroir. Elle ne semblait pas s'être aperçue qu'il y avait devant elle planté un des plus beaux seigneurs de la France, mais c'était une singulière fille qu'Isabelle. Ennuyée de cette pose, Valombreuse prit son parti brusquement et dit à la comédienne « N'est-ce pas vous, mademoiselle, qui jouez Sylvie dans la pièce de Ligdamon et Lydias de monsieur de Scudéry ?»« Oui, monsieur, » répondit Isabelle, qui ne pouvait se soustraire à cette question habilement banale. « Jamais rôle n'aura été mieux rempli, » continua Valombreuse. « S'il est mauvais, vous le rendrez bon. S'il est bon, vous le ferez excellent. Heureux les poètes qui confient leurs vers à ces belles lèvres. » Ces vagues compliments ne sortaient pas des galanteries que les gens qui ont de la politesse adressent d'habitude aux comédiennes, et Isabelle dut les accepter en remerciant le duc d'une faible inclination de tête. Cigognac, ayant avec l'aide de Blasius achevé de s'habiller en la logette du jeu de paume réservée aux comédiens, rentra dans la chambre des actrices pour attendre que la répétition commençât. Il était masqué et avait déjà bouclé le ceinturon de la grande rapière à lourde coquille, terminé par une toile d'araignée, héritage du pauvre Matamore. Sa cape écarlate, déchiquetée en barbe d'écrevisse, flottait bizarrement sur ses épaules, et le bout de l'épée en relevait le bord. Pour se conformer à l'esprit de son rôle, il marchait la hanche en avant et fendu comme un compas, d'un air outrageux et provoquant, comme il sied à un capitaine fracasse. « Vous êtes vraiment très bien, » lui dit Isabelle qu'il vint saluer. « Et jamais capitaine espagnol n'eut mine plus superbement arrogante. » Le duc de Valombreuse toisa avec la plus dédaigneuse hauteur ce nouveau venu à qui la jeune comédienne parlait d'un ton si doux. « Voilà apparemment le faquin dont on la prétend amoureuse !» se dit-il à lui-même, tout enfiélé de dépit, car il ne concevait point qu'une femme pût hésiter un instant entre le jeune et splendide duc de Valombreuse et ce ridicule histrion. Au reste, il fit semblant de ne pas s'apercevoir que Cigognac fut là. Il ne comptait pas plus sa présence que celle d'un meuble. Pour lui, ce n'était pas un homme, mais une chose, et il agissait devant le baron avec la même liberté que s'il eût été seul, couvant Isabelle de ses regards enflammés qui s'arrêtait sur une naissance de gorge laissée à découvert par l'échancrure de la chemisette. Isabelle, confuse, se sentait rougir malgré elle sous ce regard insolemment fixe, chaud comme un jet de plomb fondu, et elle se hâtait de terminer sa toilette pour s'y dérober, d'autant plus qu'elle voyait la main de Cigognac, furieux, se crisper convulsivement sur le pommeau de sa rapière. Elle se posa une mouche au coin de la lèvre et fit mine de se lever pour passer sur le théâtre, car le tyran, avec sa voix de taureau, avait déjà crié plusieurs fois « Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes ?»« Permettez, mademoiselle, » dit le duc, « vous oubliez de mettre une assassine. » Et Valombreuse, plongeant un doigt dans la boîte à mouche posée sur la toilette, en retira une petite étoile de taffetas noir. « Souffrez, » continua-t-il, « que je vous la pose. Ici, tout près du sein, elle en relèvera la blancheur et paraîtra comme un grain de beauté naturelle. » L'action accompagna le discours si vite qu'Isabelle, effarouchée de cette outrecuidance, eut à peine le temps de se renverser le dos sur sa chaise pour éviter l'insolent contact. Mais le duc n'était pas de ceux qui s'intimidaient aisément, et son doigt moucheté allait effleurer la gorge de la jeune comédienne lorsqu'une main de fer s'abattit sur son bras et le maintint comme dans un étau. Le duc de Valombreuse, transporté de rage, retourna la tête et vit le capitaine Fracasse campé dans une pose qui ne sentait point son poltron de comédie. « Monsieur le duc, dit Fracas en tenant toujours le poignet de Valombreuse. « Mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin des services de personne. » Cela dit, il lâcha le bras du jeune seigneur, dont le premier mouvement fut de chercher la garde de son épée. En ce moment, Valombreuse, malgré sa beauté, avait une tête plus horrible et formidable que celle de Méduse. Une pâleur affreuse couvrait son visage, ses noirs sourcils s'abaissaient sur ses yeux injectés de sang. La pourpre de ses lèvres prenait une couleur violette et blanchissait d'écume. Ses narines palpitaient comme aspirant le carnage. Il s'élança vers Cigognac, qui ne rompit pas d'une semelle, attendant l'assaut. Mais tout à coup, il s'arrêta. Une réflexion soudaine éteignit comme une douche d'eau glacée sa bouillante frénésie. Ses traits se remirent en place, les couleurs naturelles lui revinrent, il avait complètement repris possession de lui-même, et son visage exprimait le dédain le plus glacial, le mépris le plus suprême qu'une créature humaine puisse témoigner à une autre. Il venait de penser que son adversaire n'était pas né et qu'il avait failli se commettre avec un histrion. Tout son orgueil nobiliaire se révoltait à cette idée. L'insulte partie de si bas ne pouvait l'atteindre. « Ce bâton avec la boue qui vous éclabousse !» Cependant, il n'était pas dans sa nature de laisser une offense impunie, d'où qu'elle vint, et se rapprochant de Cigognac, il lui dit « Drôle, je te ferai rompre les os par mes laquais. Prenez garde, monseigneur, répondit Cigognac du ton le plus tranquille et de l'air le plus détaché du monde. Prenez garde, j'ai les os durs et les bâtons s'y briseront comme verre. Je ne reçois de volée que dans les comédies. Quelque insolent que tu sois, Marot, je ne te ferai pas l'honneur de te battre moi-même. C'est une ambition qui passe tes mérites, dit Valombreuse. « C'est ce que nous verrons, monsieur le duc, » répliqua Cigognac. « Peut-être bien, ayant moins de fierté, vous battrai-je de mes propres mains. »« Je ne réponds pas à un masque, » fit le duc en prenant le bras de Vidalenc qui s'était rapproché. « Je vous montrerai mon visage, duc, en lieu et en temps opportun, » reprit Cigognac. « Et je crois qu'il vous sera plus désagréable encore que mon faux nez. » Mais brisons-la, aussi bien j'entends la sonnette qui tinte, et je courrai risque en tardant davantage de manquer mon entrée. Les comédiens admiraient son courage, mais connaissant la qualité du baron, ne s'en étonnaient pas comme les autres spectateurs de cette scène, interdits d'une telle audace. L'émotion d'Isabelle avait été si vive que le phare lui en était tombé et que Zerbine, voyant la pâleur mortelle qui les couvrait, avait été obligée de lui mettre un pied de rouge sur les joues. À peine pouvait-elle se tenir sur ses jambes, et si la soubrette ne lui eût soutenu le coude, elle aurait piqué du nez sur les planches en entrant en scène. Être l'occasion d'une querelle était profondément désagréable à la douce, bonne et modeste Isabelle, qui ne redoutait rien tant que le bruit et l'éclat qui se font autour d'une femme, la réputation y perdant toujours. D'ailleurs, quoique résolue à ne lui point céder, elle aimait tendrement Cigognac, et la pensée d'un guet-apens ou tout au moins d'un duel à quoi il était exposé la troublait plus qu'on ne saurait dire. Malgré cet incident, la répétition marcha son train, les émotions réelles de la vie ne pouvant distraire les comédiens de leur passion fictive. Isabelle même joua très bien, quoiqu'elle eût le cœur plein de soucis. Quant à Fracas, excité par la querelle, il se montra étincelant de verve. Zerbine se surpassa. Chacun de ces mots soulevait des rires et des battements de mains prolongés. Du coin de l'orchestre partait avant tous les autres un applaudissement qui ne cessait que le dernier et dont la persistance enthousiaste finit par attirer l'attention de Zerbine. La soubrette, feignant un jeu de scène, s'avança près des chandelles, allongea le col avec un mouvement d'oiseau curieux qui passe sa tête entre deux feuilles, plongea le regard dans la salle et découvrit le marquis de Bruyère, tout rouge de satisfaction et dont les yeux pétillants de désir flambaient comme des escarboucles. Il avait retrouvé la Lisette, la Marton, la Smeraldine de son rêve. Il était aux anges. « Monsieur le marquis est arrivé, » dit tout bas Zerbine à Blasius qui jouait Pandolphe, dans l'intervalle d'une demande à une réplique, avec cette voix à bouche close que les acteurs savent prendre lorsqu'ils causent entre eux sur le théâtre et ne veulent point être entendus par le public. « Vois comme il jubile, comme il rayonne, comme il est passionné. Il ne se tient pas d'aise, et n'est-ce la vergogne, il sauterait par-dessus la rampe pour me venir embrasser devant tout le monde. Ah, monsieur de Bruyère, les soubrettes vous plaisent, eh bien, l'on vous en fricassera avec sel, piment et muscade. » À partir de cet endroit de la pièce, Zerbine fit feu des quatre pieds et joua avec une verve enragée. Elle semblait lumineuse à force de gaieté, d'esprit et d'ardeur. Le marquis comprit qu'il ne pourrait plus se passer désormais de cette âcre sensation. Toutes les autres femmes dont il avait eu les bonnes grâces et qu'il opposait en souvenir à Zerbine lui parurent ternes, ennuyeuses et fades. La pièce de M. de Scudéry, qu'on répéta ensuite, fit plaisir, quoique moins amusante, et Léandre, chargé du rôle de Lygdamon, y fut charmant. Mais puisque nous sommes sur le talent de nos comédiens, laissons-les à leurs affaires et suivons le duc de Vallombreuse et son ami Vidalinck. Outré de fureur après cette scène où il n'avait pas eu l'avantage, le jeune duc était rentré à l'hôtel Vallombreuse avec son confident méditant mille projets de vengeance. Les plus doux ne tendaient à rien moins qu'à faire bâtonner l'insolent capitaine jusque à le laisser pour mort sur la place. Vidalinck cherchait en vain à le calmer. Le duc se tordait les mains de rage et courait par la chambre comme un forcené, donnant des coups de poing au fauteuil qui tombait comiquement les quatre fers en l'air, renversant les tables et faisant, pour passer sa fureur, toutes sortes de dégâts. Puis il saisit un vase du Japon et le lança contre le parquet, où il se brisa en mille morceaux. « Oh ! S'écria-t-il, je voudrais pouvoir casser ce drôle comme ce vase et le piétiner et en balayer les restes aux ordures. Un misérable qui ose s'interposer entre moi et l'objet de mon désir, s'il était seulement gentilhomme, je le combattrais à l'épée, à la dague, au pistolet, à pied, à cheval, jusqu'à ce que j'aie posé le pied sur sa poitrine et craché à la face de son cadavre. « Peut-être l'est-il, » fit Vidalinck. « Je le croirais assez à son assurance. » Maître Bilot a parlé d'un comédien qui s'était engagé par amour et qu'Isabelle regardait d'un œil favorable. Ce doit être celui-là, si j'en juge à sa jalousie et au trouble de l'infante. « Y penses-tu ? » reprit Vallombreuse. « Une personne de condition se mêler à ces baladins, monter sur les tréteaux, se barbouiller de rouge ?» Recevoir des nazardes et des coups de pied au derrière? Non, cela est par trop impossible. Jupiter s'est bien mué en bête, et même en mari pour jouir de mortels, répondit Vidalinck, dérogation plus forte à la majesté d'un dieu olympien que jouer la comédie à la dignité d'un noble. N'importe, dit le duc en appuyant le pouce sur un timbre. « Je vais d'abord punir l'histrion, sauf à châtier plus tard l'homme, s'il y en a un derrière ce masque ridicule. »« S'il y en a un, n'en doutez pas, » reprit l'ami de Vallombreuse. « Ses yeux brillaient comme des lampes, sous le crin de ses sourcils postiches, et malgré son nez de carton barbouillé de cinabre, il avait l'air majestueux et terrible, chose difficile en cet accoutrement. « Tant mieux, » dit Vallombreuse. Ma vengeance ainsi ne donnera pas de coup d'épée dans l'eau et rencontrera une poitrine devant ses coups. » Un domestique entra, s'inclina profondément et, dans une immobilité parfaite, attendit les ordres du maître. « Fais lever, s'ils sont couchés, Basque, Azolan, Mérindol et Labriche. Dis-leur de s'armer de bons gourdins et d'aller attendre à la sortie du jeu de paume où sont les comédiens d'Hérode un certain capitaine Fracasse. Qu'il l'assaille, le gourme et le laisse sur le carreau sans le tuer pourtant. On pourrait croire que j'en ai peur. Je me charge des suites. En le bâtonnant qu'on lui crie de la part du duc de Vallombreuse, afin qu'il n'en ignore. Cette commission d'une nature assez farouche et truculente ne parut pas surprendre beaucoup le laquais, qui se retira en assurant à monsieur le duc que ses ordres allaient être exécutés sur l'heure. « Cela me contrarie, dit Vidalinque lorsque le valet se fut retiré, que vous fassiez traiter de la sorte ce baladin qui, après tout, a montré un cœur au-dessus de son état. Voulez-vous que, sous un prétexte ou l'autre, j'aille lui chercher querelle et que je le tue? Tous les sangs sont rouges quand on les verse, quoi qu'on dise que celui des nobles soit bleu. Je suis de bonne et ancienne souche, mais non d'un rang si grand que le vôtre, et ma délicatesse ne craint pas de se commettre. Dites un mot et j'y vais. Ce capitaine me semble plus digne de l'épée que du bâton. » « Je te remercie, répondit le duc, de cette offre qui me prouve la fidélité parfaite avec laquelle tu entres dans mes intérêts, mais je ne saurais pourtant l'accepter. Ce faquin a osé me toucher. Il convient qu'il expie ignominieusement ce crime. S'il est gentilhomme, il trouvera à qui parler. Je réponds toujours quand on m'interroge avec une épée. » « Comme il vous plaira, monsieur le duc, dit Vidalinque en allongeant ses pieds sur un tabouret, comme un homme qui n'a plus qu'à laisser aller les choses. À propos, savez-vous que cette Séraphine est charmante? Je lui ai dit quelques douceurs, et j'en ai déjà obtenu un rendez-vous. Maître Bilot avait raison. » Le duc et son ami, retombant dans le silence, attendirent le retour des estafiers.